mec tu fais aussi. Si je peux faire pas de doute, tu le fais aussi. Quoi qu'on fasse face à face, nous sommes des clones. D'où qu'on vienne, on lutte tous pour le même trône. Ce que je veux, c'est ce que toi mec tu veux aussi. Ce que je peux faire, pas de doute, tu le fais aussi. Quoi qu'on fasse face à face, nous sommes des clones. D'où qu'on vienne, on lutte tous pour le même trône. Tous des génies, on veut chacun notre business. Merci en finesse, les fesses pour les bitches on laisse. Comme Los Angeles, même si Paris est en France, les mêmes têtes cheloues dansent sur rap R&B. 33 ou pas, on a la même destinée. Mène les mêmes combats à mort, on peut s'estimer. On veut tous un jour le fric, la renommée. Des causes des fans, faut que les faux on aille détrôner. En guerre contre le système et même contre nous. On s'entretue dans la rue, c'est la guerre des coups, on fout la merde, ouais, on y baigne tous. Sachant que si on s'en sort aux frères, on donne des coups de pouce. Les autres qui se débrouillent tous seul mec, faut en vouloir. Ça sert à rien d'avoir que de la gueule espoir. C'est ce qui nous maintient en vie pendant des années. On lutte pour le même trône, hey, on va pas t'aider. Ce que je veux, c'est ce que toi mec tu veux aussi. Si je peux faire pas de doute, tu le fais aussi. Quoi qu'on fasse face à face, nous sommes des clones. D'où qu'on vienne, on lutte tous pour le même trône. Ce que je veux, c'est ce que toi mec tu veux aussi. Ce que je peux faire pas de doute, tu le fais aussi. Quoi qu'on fasse face à face, nous sommes des clones. D'où qu'on vienne, on lutte tous pour le même trône. Ce que je veux, c'est ce que toi mec tu veux aussi. Si je peux faire pas de doute, tu le fais aussi. Quoi qu'on fasse face à face, nous sommes des clones. D'où qu'on vienne, on lutte tous pour le même trône. Ce que je veux, c'est ce que toi mec tu veux aussi. Ce que je peux faire pas de doute, tu le fais aussi. Quoi qu'on fasse face à face, nous sommes des clones. D'où qu'on vienne, on lutte tous pour le même trône.